Salut, salut, c'est Thierry, assisté de Roland Rock pour l'édition de juin de Prog à part. Une émission spéciale Covid-19. Covid-19, tu nous auras pas. Avec donc une foultitude de nouveautés et de rééditions, tout ceci enregistré dans le studio d'Acid Dragon. On démarre tout doucement, mais très sûrement, avec Eric Burden. J'avoue que j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur, mais je ne savais pas, j'étais loin d'imaginer qu'il avait fait un album psychédélique prog en 68 avec ses compères The Animals, un album intitulé The Twain Shall Meet. Un album que j'ai trouvé et découvert dans une superbe réédition, un coffret de chez Esoteric. Eric Burden. Nous passerons en 69 avec le tout premier Renaissance. Voilà encore quelque chose qui avait échappé à la passoire de Prog à part. Le premier album de 69 intitulé Renaissance. La première formation qui incluait Keith and Jane Wells, des anciens Yardbirds, et non pas Rare Birds, Yardbirds. J'ai voulu ensuite faire à nouveau un hommage au grand Christophe en passant un morceau extrait de son superbe album Les Paradis Perdus, un album publié en 73. J'avoue être passé un petit peu à côté. Et ben vous verrez que le morceau éponyme Les Paradis Perdus, et notamment la deuxième partie, est littéralement sublime. On saute en Angleterre avec les nouveautés et notamment Hats Off Gentlemen It's Adequate. J'adore leur nom, j'adore leur musique, une espèce de rock mélodique. C'est déjà le cinquième album pour ces Britanniques depuis 2012, un album intitulé Nostalgia for Infinity. Nous sautons la mer du Nord pour aller chez nos amis teutons, Traumhaus. Les Allemands publient leur quatrième opus depuis 2001, un opus double et simple à la fois, c'est-à-dire qu'il est double parce qu'il y a deux CD, mais simple puisque il y a une version anglaise et une version allemande. Le titre, In Oculis Meis. Deuxième album pour nos Français de Grand Val, Descendu sur Terre. Eh bien, c'est de très bonne facture, Descendu sur Terre, Grand Val. Des petits nouveaux, j'avoue que je ne les connaissais pas du tout, Mrs. Kite, Madame Cerf-Volant, ils sont allemands, et ils publient leur album Flickering Lights, et c'est fort bien troussé. Deuxième opus pour Shaman Elephant, ce groupe, cette formation, ce combo de Norvège, et c'est ma foi très bien tourné aussi, un album, j'aime beaucoup le titre, Wide Awake But Still Asleep, bien réveillé mais toujours endormi. Pour la Norvège, on continue encore en Norvège avec une réédition d'un album de 76, un groupe phare de cette époque-là, Rufus, R-U-P-H-U-S, Let Your Light Shine. C'est du jazz rock, j'en passe pas beaucoup, mais à coup le pas. Mais ça vaut vraiment le détour. C'est un groupe qui a été quand même important entre 73 et 79 en Norvège, autour de 6 albums. Et on terminera avec notre voisin helvétique, Roland Bühlmann, et son album Crucial. Voilà pour ce programme de juin, et suivant la formule consacrée, et elle est tout à fait d'actualité, tenez tati, ciao ciao. He blesses the boys as they stand in line, the smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can, to make them feel wanted, he's a good holy man.

If you look for the trouble. Thank you. like what you've done, and I don't like what you've done. But we don't get to choose who we become, who we become, who we become. You don't want to know what you could do. You keep yourself to ghosts if you could. Choose to come to life, what would you do? What could you do? Captain, I'm talking to you. Infinity. Look at you. Nostalgia for infinity. Look at you. faces are like muted. Also the risk, not a priest remains unseen. Just a tie that separates, no retaining, no further on. Just one word which reaches you will go down in you. l'éternité d'un monde qui s'égare. Tu ne peux croire qu'il existe un destin. Fatalité, tu ouvres le grimoire, rédige une cabale, chemin sur parchemin. Sagacité, tu vois de moins en loin. Tu n'en peux plus, tu restes la gare. Désespéré, tu ne crois plus à rien. Plus de boussole, l'aimant s'est envolé. Le fil de ta vie est sur le bord du rasoir. L'ombre de tes tu crois le... va, petit homme. L'heure de ton réveil a sonné, va. Maintenant, réveille-toi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.